Bonsoir à tous. Content de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire sur Radio Vibration. Le Raph au micro pour cet épisode 6. Et ce dimanche, c'est Nico Parisi qui nous a mixé quelques-unes de ses trouvailles. Je vous promets une heure bien cool et underground. Alors, on débute tout de suite cette émission avec John Monkman, l'anglais, pour un morceau de 2014, L-O-V-E-R, Lover, retravaillé par Martin Wolf. Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Nico Parisi. We'll be right back. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. C'était John Monkman avec Clover. À suivre, un morceau remanié par le producteur Gigi, un producteur israélien très prolifique, qui a d'ailleurs mixé un autre morceau qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Ici, il s'est attaqué à l'artiste Ambassador avec le titre de Fade. Ambassador avec The Fade, remixé par GJI. Toujours sur Vibration, vous écoutez Milky Waves, 107.2 Bruxelles, 91.0 Mons, et aussi vibration.fm bien entendu sur internet. Toujours le Raf au micro et Nico Parisi au platine. On poursuit avec Marcello Vasami, Dear Alessandra. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Raph au micro sur Milky Waves. On vient d'écouter Marcello Vasami avec Dear Alexandra. Et maintenant on passe à East Café avec Question One, Nico Z Remix. c'était East Café avec Question One, Nico Z Remix. Toujours sur Radio Vibration, vous écoutez Milky Waves. Vous aimez notre émission, vous avez un commentaire à faire, bien surfez sur notre page Facebook Milky Waves avec un Y et ça se termine par W-A-V-E-S. Vous trouverez facilement. Et on poursuit cette heure de mix avec Blue Amazon, No Other Love, un remix de Hernan Cataneo et Martin Garcia. Nous venons d'entendre Blue Amazon avec No Other Love. Nous sommes à la moitié de notre heure de mix et on poursuit avec le producteur et DJ grec Steve Sy pour White Fluffy Clouds. Milky Waves, hosted by Raf, with on the decks, Nico Parisi. Steve Sy et son White Fluffy Clouds. On passe au jeune phénomène espagnol DX Xavier. et le morceau s'appelle Four. Ça veut dire fourrure en français, j'étais voir. Et sur la jaquette, il y a un loup, CQFD. DX Xavier avec Four. Et maintenant on passe au néerlandais York Murkus avec le titre Eau de Caseux, Pink Fish Remix. Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Nico Parisi. I'm not afraid to sur Vibration Milky Waves. Nous venons d'entendre York Mercus avec Eau de Caseux, English Remix. Et maintenant, pour les dernières minutes de notre mix, on passe à Twice as Nice avec Overture, un Gigi remix. Gigi que nous avons entendu précédemment déjà. Un bon track classique underground. I'm going to go to the next one. écouter Twice as Nice avec Overture, un DJ remix. Il est déjà l'heure de se quitter, et ben oui, déjà, ça passe vite une heure. Et on va terminer avec un duo bulgare explosif, puisqu'il s'agit de Napalm et Defrag, avec le titre Eclipse, un Samotarev remix. C'était Nico Parisi au platine et le Raph au micro. N'oubliez pas de surfer sur notre vague laiteuse Milky Waves sur Facebook. Une bonne fin de soirée sur Vibration et une bonne semaine à vous tous. Bye bye!